non mais laisse-moi, laisse-moi te dire que le monde part en couille. Il est temps de s'alarmer, que les stars ne sont pas à mes trousses. Il est temps de m'évader, garder à l'horizon, penser à s'envoler. Est-ce qu'il y en a comme la libération de Florence Cassée? On aimerait bien se barrer, mais la rue nous met des barrières. Pendant que la nouvelle génération se voit dans la colle l'enfer. Les populations du mal, ils sont stressées par la guerre. Putain, putain c'est la merde. Le monde part en couille et ça fait des années mon frère. Génération, échec scolaire. On est des jeunes du but du monde, viens t'expliquer ce qui se passe. C'est la rue qui se met en colère. Ma tête ne tombe pas en moi, un peu comme le système solaire. Je vois des trucs chelous, bizarres, bizarres sur cette terre. Tu sais même plus à qui faire confiance, c'est la crise. Laisse même plus ta fille aller à l'église. Que des trous dans les économies, la France est en crise. Putain, comment monter l'échelle de la vie? Quand tu t'aperçois que le poids est moisi. Génération noyée dans les soucis. Génération noyée dans les soucis. Noyée dans les soucis. Un, primo, primo, Mookie Mookia. Ok, ok. Sous la tempête, pour remonter la pente, pour rencontrer la trempe. La chance d'avoir un temps d'avance, mec, j'attends le sec. Un jour de plus, sous un jour de pluie, un tour de manège, à l'aise une soirée. Quand je suis à court d'un speed, j'cours et fume, putain de stick, du rap, du putain de style. On est d'actu, j'fais une pause, mais la plume m'incite doublement la tasse. Vu que j'ai bu dans l'eau, ça fume, ça c'est cru d'en haut. Avec moi, j'puis et bu d'en haut. Y'a la rime, on vient décortiquer des phrases et des phases, hein, du rap sale, issu du pavé meurtrier. L'heure de briller, déterminé, ce n'est qu'un départ. Frollo, j'arrive dans le sombre, éteint tes phares. J'en ai plein des phases, hein, des sales, hein, des crates, des phrases. J'en ai laissé des traces. Fais suivre les autres pour devenir le boss du bétail. Ok, fais pas l'action, mec, te passe du détail. Le monde part en couille, on est poussé par le système. Tous les jours dans la violence, on a cultivé la haine. Déboussolé comme un gamin à la rue. Qui a jamais demandé à grandir dans un monde perdu. Le monde part en couille, on est bousillé par le système. Tous les jours dans la violence, on a cultivé la haine. Déboussolé comme un diamant à la rue. Qui a jamais demandé à grandir dans un monde perdu.